Merci Mathieu Garrigou-Lagrange. Pour conclure cette troisième saison, nous avons mis les petits plats dans les grands en cette avant-dernière émission. Nous partons au bout du monde pour retrouver celui qui a été tour à tour réparateur d'ordinateurs, skipper, capitaine de yacht, puis commis dans une librairie universitaire. Il publie ses premiers romans sans grand succès, puis décide de publier ses nouvelles directement en ligne. Et d'un coup, c'est le grand emballement. Une nouvelle, deux, trois, les lecteurs se les arrachent, Hollywood se précipite. Il est avec nous sur son voilier depuis les îles Fidji, Hugo Wee, auteur de la trilogie Silo et notre grand invité de science-fiction de cette fin de saison. Une heure avec Hugh Howey, c'est le programme de luxe qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Hugh Howey. Hello. Bonjour. Merci de m'avoir invité à votre émission, j'apprécie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous en ligne sur votre voilier qui est amarré dans les îles Fidji. Alors faites-nous rêver, décrivez-nous ce que vous voyez autour de vous. Eh bien, il fait un peu sombre maintenant. Il fait nuit ici à Fidji après 19h. Je suis ancré dans une belle baie, je suis tout seul. Il y a quelques bateaux autour de moi. Il y a quelques stations balnéaires dans la baie et une immense plage de sable blanc et des feux partout. Il y a un rituel du feu après le coucher du soleil et le soleil vient de se coucher. Les Fidjiens dansent sur la plage avec des bâtons de feu et des grands feux de joie, avec beaucoup de locaux et de touristes. Ce sera encore une belle nuit à Fidji. Écoutez, j'avoue que ça donne envie. Je salue Michel Zlotowski qui assure votre traduction. Alors Hugo, oui, les lecteurs de science-fiction vous connaissent pour l'excellente trilogie Silo, Wool en version originale, publiée en France chez Actes Sud, traduit par Johan Gentric et leur Manceau. Deux autres romans ont été publiés en français, toujours chez Actes Sud, Phare 23 et tout récemment Outre-Sable. Mais on va commencer par le début. Quel est votre tout premier souvenir de science-fiction? That's a great question. Excellente question. Le premier livre que j'ai lu, quand j'étais très jeune, je lisais surtout des romans fantastiques avec des dragons, des épées et des trucs de sorcellerie. Et dans la même section des librairies, il y avait des romans de science-fiction. C'était un employé de la librairie qui m'a vendu un exemplaire de La stratégie d'Ender d'Orson Scott Card. Probablement à cause de mon âge, j'avais 10 ou 11 ans. Et le personnage principal du livre, d'Ender, a le même âge, et c'était la première fois que je lisais un tel livre. C'était pas un livre écrit pour les enfants, mais le personnage principal était un enfant qui fait des choses incroyables, qui sauve la galaxie. Ça m'a beaucoup inspiré, et j'ai cherché d'autres livres comme celui-ci. J'ai lu beaucoup de science-fiction. L'auteur venait de la même région des États-Unis où j'ai grandi, en Caroline du Nord. Et c'était vraiment cool de découvrir ça très jeune. Non seulement ça m'a fait lire de la science-fiction, mais ça m'a fait penser aussi que des gens de ma région pouvaient grandir et écrire de la science-fiction. Et je pense que mon rêve de devenir un écrivain de science-fiction a commencé lorsque j'ai lu ce livre. C'était il y a plus de 30 ans. Oui, vous êtes né le 23 juin 1975, joyeux anniversaire d'ailleurs à ce propos, vous êtes né à Monroe en Caroline du Nord et vous dites que vous étiez l'un de ces enfants qui lit tout le temps, vous avez lu énormément pendant votre enfance. Oui, absolument. La plupart de mes pantalons de l'époque avaient la poche arrière déformée parce que quand je lisais les livres, j'avais un livre de poche toujours fourré dans ma poche arrière. Et j'avais souvent des ennuis parce que je lisais sous mon bureau en classe. Je marchais dans la rue avec mes parents en lisant un livre. Je heurtais les lampadaires, les poubelles. Je pouvais tout simplement pas arrêter de lire. Je suis encore comme ça. C'est mon activité favorite à tout moment de pouvoir m'immerger dans un bon livre. Commencer par Orson Scott Card, c'est commencer par aussi une science-fiction assez politique. Qu'est-ce qui vous a attiré par la suite pendant votre jeunesse? Je pense que les quelques livres suivants dans lesquels je me suis lancé étaient également politiques. C'est une bonne partie de la science-fiction qui parle de politique et de société. C'est une façon de mettre en garde contre un avenir possible ou de commenter le présent. Donc j'ai lu 1984, Le meilleur des mondes, et la saga d'Isaac Asimov, Fondation. Ça a vraiment commencé à changer ma façon de voir le monde et mes opinions politiques, parce que j'ai grandi dans une partie très conservatrice de droite du pays. Et je ne sais pas si je serais devenu un modéré et plus tard un libéral dans ma vie, si je n'étais pas tombé dans la science-fiction, si je n'avais pas eu ces opinions éloignées de mon milieu social. Vous pensez que la science-fiction vous a aidé justement à vous construire aussi politiquement en tant qu'adulte ? Oui, je me suis intéressé à la politique aussi. Je pense que mes opinions politiques ont coloré mon œuvre, probablement plus que mes lectures ont collaboré mes opinions politiques, car il m'a fallu environ 20 ans pour écrire mon premier roman. J'ai pas passé 20 ans à essayer d'écrire un livre. J'ai commencé un tas de livres différents et j'ai abandonné en route. Et j'ai visité beaucoup de pays différents, j'étais intéressé par la politique, je lisais les journaux tous les jours. J'ai visité donc beaucoup de pays en essayant d'absorber ce qui se passait dans le monde. Et puis, ça a commencé à consolider certaines de mes opinions. Et quand j'ai commencé à écrire, mon écriture est devenue un exutoire pour exprimer certaines des choses que je pensais au niveau politique. Mon premier roman raconte l'histoire d'une jeune fille qui a hérité un vaisseau spatial de son père. Et elle voyage à travers la galaxie, et chaque planète où elle se rend, eh bien, c'est une façon de faire la satire de la condition humaine, comme dans les voyages de Gulliver, où chaque île où il est allé avait une chose différente à dire sur notre comportement, parfois un peu fou. J'ai pas écrit ça pour que ce soit un best-seller, je l'ai écrit pour moi. J'étais inspiré beaucoup par mon travail sur les yachts, naviguant d'île en île. Mes opinions politiques et mes voyages ont été intégrés dans mes romans, mais depuis ma jeunesse, je pense que certaines de mes opinions politiques sont issues des romans que j'ai lus, ils sont informés mutuellement. Vous mentionnez les voyages de Gulliver, vous dites que vous lisiez également des satires politiques. Ça veut dire qu'effectivement, votre expérience de la science-fiction est intimement liée à vos lectures politiques, et ensuite on va en reparler à votre début de vie professionnelle qui est très marqué aussi, on y reviendra. Une certaine partie de la science-fiction, il y a aussi tout un pan de la science-fiction qui est très conservatrice dans ses points de vue. Une science-fiction militaire qui ne fait que célébrer les grandes flottes de vaisseaux spatiaux, beaucoup de combats, de robots, et les extraterrestres qui sont les ennemis, ils vont nous attaquer et on doit aller les détruire. Et quand on tombe dans ces livres, on peut prendre une direction politique très différente de la mienne. Quand j'ai commencé à assister à des conférences de science-fiction en tant qu'écrivain, la plupart des participants étaient beaucoup plus âgés que moi. Ils venaient d'horizons différents de la science-fiction. J'ai rencontré des gens là-bas qui étaient plus dans la science-fiction militaire. Ils avaient été probablement fortement influencés par l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre froide dans lesquelles ils ont grandi. Ils étaient beaucoup plus à droite. C'était surtout des hommes, des blancs. Il y a eu un conflit entre ces deux courants idéologiques de la science-fiction pendant des années, surtout au cours des 5-10 dernières années. Et je pense que là, nous assistons à une relève de la garde. La science-fiction comportait beaucoup de xénophobie, de fétichisme militaire. Et nous avons toujours eu un courant différent de la science-fiction qui essaie de voir le bien chez les individus, essayant d'adopter des points de vue différents. Et je pense que ce côté est de plus en plus en vogue. Et nous voyons que les grands de ce côté-là, comme Margaret Atwood, la servante écarlate, qui est réécrit, qui retrouve une nouvelle audience, parce que c'est très pertinent pour notre époque. Il y a eu un grand changement dans l'idéologie politique de la science-fiction. Il y a toute une histoire assez riche, là. Mais si vous n'êtes pas totalement dedans, vous pouvez ne pas en être conscient, mais c'est beaucoup plus complexe que cela peut paraître à première vue. Alors, il faut évidemment évoquer cette grande partie de votre vie. Vous êtes en ce moment même sur un voilier, vous le disiez, hein, vous dites « je suis tombé amoureux avec de la lecture et de la navigation au même âge. J'avais deux rêves dans la vie, écrire un roman et faire le tour du monde à la voile. Ça aussi, vos voyages en voile, mais aussi en tant que capitaine de yacht, ça a aussi enrichi votre imaginaire personnel, Hugo Wee ? Ma première rencontre avec la voile, j'étais très jeune, probablement à l'âge où je lisais le premier livre de science-fiction, La stratégie d'Ender. Nous avions une maison au bord de la mer et nous y allions chaque année pour plusieurs semaines. C'était une maison familiale et dans le garage, il y avait un petit bateau à voile. Ça s'appelait un sunfish, un petit bateau, tout petit, très simple. Vous pouviez y mettre deux petits enfants et un adulte. Je me souviens que la première fois, mon père m'a aidé à le gréer et à le mettre à l'eau. Puis après, j'ai dû me débrouiller. Et la première chose que j'ai faite l'année suivante, ça a été de partir en bateau et de naviguer. J'étais attiré par le charme. C'était à la fois apaisant d'être sur l'eau, mais aussi, il fallait être très concentré. Un mélange bizarre de besoin d'être sur le qui-vive, mais aussi d'être complètement relax. Et j'en suis tombé amoureux. J'y pensais chaque année. Et j'ai commencé à naviguer sur des unités plus grandes. Et quand je suis allé à l'université, j'ai acheté un 8 mètres, tout petit, pour vivre à bord. Et c'est devenu ma maison pour les 5 années suivantes. Et j'ai abandonné le collège et j'ai navigué jusqu'aux Caraïbes. Et j'ai commencé à travailler sur des bateaux d'autres personnes et ça m'a rapidement conduit à une carrière de skipper. Et à 23 ans, je pilotais ces énormes yachts de 47 mètres pour les riches et les célèbres. Je n'arrivais pas à croire qu'à mon âge, on m'ait confié une telle responsabilité. Mais ça m'a permis de travailler pendant 10 ans sur des bateaux et d'acquérir plus d'expérience et de passion pour la mer. Ça m'a permis aussi de travailler avec des gens différents, une clientèle différente, avec des gens qui avaient des milliards de dollars et de voir le style qu'ils avaient. Et dans bien des cas, ils n'étaient pas plus heureux que moi ou que les gens qui n'avaient pas tout cet argent. Et ça m'a fait voir différemment la richesse, le bonheur et la façon de mener une vie épanouie. J'ai aussi vu pour la première fois à quel point le fossé pouvait exister entre les nantis et les démunis. Et ça a vraiment changé certaines de mes opinions politiques. Être sur des bateaux, pour moi, c'était un grand moment de rêverie, avec des longs passages en mer, avec 8 heures à la barre, à scruter l'horizon, à être là pour éviter que ça tourne mal, à passer beaucoup de temps avec ses pensées. Et je rêvais de mondes fantastiques entiers, y compris ce personnage mollified, qui est devenu un de mes premier roman, puis des livres comme Le Monde du Sable et même Silo, des univers que je rêvais en pilotant ces bateaux. Et ça m'a permis aussi de voir beaucoup de différentes parties de la société et du monde auxquelles je n'aurais jamais eu accès auparavant, y compris des îles qui étaient très pauvres. J'ai pu visiter Cuba bien avant qu'elle ne soit ouverte aux Américains, il y a une vingtaine d'années, lorsque quelqu'un est allé à Cuba. J'ai vu un monde complètement différent. Et pour quelqu'un d'une vingtaine d'années, c'est une façon incroyable d'élargir ma vision de l'humanité et commencer à penser à différents types de récits que je voudrais raconter. Et ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas vu autant le monde. Ça a créé une tapisserie plus riche de laquelle je tirais mes récits. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Hugo Wee, auteur de la trilogie Silo, est notre invité spécial. Nous sommes avec lui depuis son voilier sur les îles Fidji. Alors, on a raconté, hein, Hugo Wee, cette première partie de votre vie où, que vous avez passé sur les mers, sur un voilier, puis sur ces énormes yachts à côtoyer ces milliardaires. On va voir que ça a nourri votre imaginaire. Comment, avant Silo, il y a des premiers écrits, vous nous en avez dit un mot, un premier roman que vous publiez en papier et qui ne rencontre pas encore tout à fait son public. Comment s'est passé ce premier roman? De quoi parlait-il? Parce que nous ne l'avons pas, nous, traduit en français. Mon premier livre s'intitulait Mollified and the Persona Rescue, en anglais. C'est des noms comme ça, difficiles à traduire en français. Mais c'était l'histoire d'une fille qui n'a jamais connu ses parents. Sa mère était morte en couche. Son père avait disparu quand elle était très jeune. Et elle ne voulait être que pilote de vaisseau spatial. Et au début du roman, elle est virée de l'académie navale et elle n'apprendrait jamais à voler. Mais le vaisseau disparu de son père se retrouve de l'autre côté de la galaxie. Elle va le récupérer et commence à percer le mystère de ses parents et de ses origines. Et finit par suivre un groupe très diversifié de jeunes fugueurs. Elle visite différentes planètes. Et j'aime cette histoire. Elle a été vite repérée par un éditeur et a reçu beaucoup de bonnes critiques. Les gens aimaient vraiment le lire. Mais j'ai pas passé beaucoup de temps à faire la promotion de mes premiers livres. J'étais tellement enthousiasmé à l'idée d'enfin écrire et terminer des romans parce que c'est quelque chose que je voulais faire pendant 20 ans. Dès que je terminais un roman et que je le publiais, je commençais à travailler sur le suivant. J'ai porté et publié 5 livres et une nouvelle avant d'écrire Silo. Et j'ai publié Silo et j'ai commencé à écrire mon livre suivant, que j'ai toujours pas fini, parce que Silo a pris son envol d'une façon sans précédent. Et ça m'a rendu difficile d'ignorer la promotion et de continuer à écrire en raison de la popularité de Silo. J'ai dû passer du temps à faire des tournées, des séances de signature. C'était fabuleux. Mais je pense que la raison pour laquelle la première série, Mollified, n'a pas été mieux connue et traduite, c'est tout simplement parce que j'étais trop occupé par d'autres choses. Certains de mes livres plus anciens sont publiés récemment par d'autres éditeurs. Il y a des chances que ces premiers livres soient traduits un jour. Je pense que c'est incroyable. Je reçois encore des courriels des fans de ces livres et les gens demandent l'épisode suivant de cette série. Ce que j'écrivais quand Silo a décollé et changé ma carrière. Pourquoi est-ce que vous êtes sorti du système de publication traditionnel pour aller directement publier cette première nouvelle qui va être le premier chapitre en fait de Silo, Wool en anglais, et qui va être le début de cette trilogie? J'ai travaillé dans des librairies à différentes époques de ma vie. Avant de me lancer dans le yachting, je travaillais dans une librairie pour me payer l'université. Et quand j'ai quitté le yachting, un de mes premiers emplois était à nouveau dans une librairie. Je me suis précipité sur les livres. Une des choses que j'ai apprises, j'ai rencontré beaucoup d'auteurs de par mon travail. Ce que ça m'a appris, c'est que les perspectives de gagner ma vie en tant qu'écrivain étaient très maigres. Si je voulais écrire, je ne devais pas le faire avec cette idée de faire carrière, de gagner de l'argent. Je devrais écrire pour ma passion et publier pour l'amour de l'art. Juste pour avoir une poignée de fans passionnés, au lieu d'essayer de vendre des millions d'exemplaires, je savais que les possibilités étaient très minces. Et j'ai également appris que, en publiant chez un éditeur traditionnel, la durée de vie de votre livre sur les rayons des libraires risquait d'être très brève. Quand j'ai commencé, vous savez, si au bout de 6 mois le livre se vendait pas, on le rendait à l'éditeur et on mettait de nouveaux livres en rayon. Quand j'ai fini d'écrire mon premier livre, je voulais aller vers un éditeur classique. Et j'ai vu que c'est moi qui allais faire la promotion et qu'il le ferait brièvement, mais que si le livre ne rencontrait pas le succès, il passerait à l'auteur suivant. Alors j'ai récupéré mes droits et j'ai décidé qu'à partir de ce moment-là, j'allais publier et promouvoir mes livres moi-même. Et que de cette façon, ils pourraient être disponibles pour le reste de ma vie, ou même au-delà. Et s'ils ne se vendaient pas beaucoup, ça me convenait, tant qu'ils s'en vendaient quelques exemplaires par mois, par-ci, par-là. Je craignais juste que le tirage soit épuisé. Donc très tôt, je pouvais faire des éditions numériques de mes livres de poche, et aussi des livres papier, je les envoyais aux gens individuellement. L'idée était de commencer petit, garder tous mes droits et le contrôle, garder mes prix, les prix de mes livres très bas, pour permettre aux éditeurs de prendre des risques sur moi. Ça a bien fonctionné. Ça m'a permis de pratiquer, de m'améliorer en tant qu'écrivain. Donc, au moment où j'ai eu du succès, j'étais en mesure de mieux négocier les droits de ma carrière. Je n'étais pas dans une situation où j'aurais déjà signé avec un éditeur pour les 5 ou 6 livres suivants. Et beaucoup d'écrivains se font prendre. Parce que quand on est jeune, on veut tellement avoir un contrat, on en signe un très mauvais, et quand on devient populaire, on n'a plus la liberté de publier ce que l'on veut, quand on veut. Et maintenant, je publie des deux façons. J'ai les éditeurs traditionnels, et je fais de l'autopublication, de l'auto-édition, et je décide moi-même pour chaque manuscrit ce qui vaut mieux pour lui. Et j'aime beaucoup cette liberté et ce pouvoir sur ma carrière. Et ce n'est là que parce que je n'ai pas mis trop d'importance à la façon dont je suis publié. Je me concentre sur le fait de faire connaître mes histoires aux lecteurs. Et c'est d'ailleurs une méthode que vous avez conservée hein, jusqu'à pour la suite effectivement de vos romans et de vos écrits. On va revenir au tout début de cette incroyable saga qu'est Silo. Ça commence par une nouvelle, donc qui s'appelle Holston, qui va devenir ensuite hein, le premier chapitre du premier volume. Racontez-nous d'où viennent les racines de cet univers. L'histoire vient de sources différentes. L'humeur, l'obscurité du récit viennent probablement d'une période triste de ma vie. Je venais de perdre une chienne que ma petite amie et moi avions depuis 9 ans. Nous n'avions pas d'enfant. Et cette chienne était comme un enfant. On a mis toute notre affection, notre amour dans cet animal. Je pensais que nous aurions encore quelques années avant de devoir nous inquiéter de sa santé. Et elle est morte très soudainement. Elle est morte dans nos bras. Et ça a été très traumatisant pour nous deux, très triste. J'ai écrit une nouvelle. J'étais dans un endroit très sombre, et au lieu de me battre, j'ai versé mes émotions dans ce récit. Et je supposais, lorsque je l'ai écrit, que personne ne voudrait le lire, parce que c'était pas l'histoire typique que j'écrivais à l'époque. Je l'écrivais vraiment pour moi. C'est donc de là que vient l'humeur de cette histoire. L'intrigue, j'y avais pensé pendant un certain temps. C'est-à-dire, avant de commencer à travailler beaucoup, ma vision du monde venait des écrans de télé, des journaux, de la fenêtre de quelqu'un d'autre sur ce monde, et je devais compter sur leur reportage, sur la façon dont eux voyaient les choses. Et la façon dont les nouvelles sont rapportées, ils ne rapportent que les mauvaises nouvelles, parce que c'est ce qui a tire votre attention, c'est ce qui fait vendre les journaux, ce qui nous fait regarder la télé, ce qui attire l'attention pour les annonceurs. Alors quand j'ai commencé à voyager, à aller dans des endroits dont j'avais entendu parler quand j'étais enfant en Caroline du Nord, j'ai vu un monde complètement différent. Je me suis rendu compte qu'on ne nous montrait pas les bons côtés de l'humanité, on nous montre seulement les mauvais côtés. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça nous fait? J'écris ça avant d'avoir un smartphone, mais maintenant nous recevons encore plus d'informations de nos écrans. Je me demandais simplement, qu'est-ce que ça nous fait de vivre dans ces silos, coupés les uns des autres, coupés des autres pays, coupés du monde, tout en voyant les choses négatives? Qu'est-ce que ça fait à l'humanité? Et le silo de l'écran mural est devenu une métaphore pour cela. Vous savez, il y a cette fameuse métaphore de Platon sur le fait de voir le monde comme si on était quelqu'un dans une caverne qui ne voit que les ombres, des choses projetées par le feu sur le mur, et qui doit deviner comment est le monde à partir de ces formes sombres. Et j'avais cette métaphore de la caverne de Platon en tête quand j'écrivais cette histoire, en me demandant ce que ça nous faisait au juste de ne voir que les contours des choses et uniquement des choses sombres. Vous dites également que cet univers de Silo, il ne se construit vraiment qu'à partir de la suite, à partir de la deuxième nouvelle. Comment est-ce que tout ça s'est organisé? Comment est-ce que cette société stratifiée, cette société très claustrophobe, c'est difficile de ne pas y voir évidemment un écho à ce que vous nous disiez à l'instant de ce que vous avez vu en tant que capitaine de yacht avec des gens très très riches en haut et puis la salle des machines en bas. C'est un univers politique très sombre. Oui. Littéralement, c'est ainsi que ces yachts sont construits. La partie la plus mauvaise du yacht est la partie basse et la meilleure est au sommet. Et c'est intégré dans notre langue pour parler des différentes classes. Il y a la classe inférieure, la classe moyenne, la classe supérieure. Et si vous êtes dans un gratte-ciel, ben, le penthouse, le dernier étage, c'est là que c'est le mieux, avec la plus belle vue. Je crois qu'il y a quelque chose dans notre biologie. Vouloir dire que le roi de la colline a la vue du sommet, il a la vue la plus majestueuse, que c'est lui le gagnant, le chef. La disposition du silo vient de toutes ces références dans notre culture et notre langue sur la façon dont la société est organisée, comment nous mettons des barrières très hautes entre les gens. Et oui, au fond du yacht, il y a la salle des machines avec des gens couverts de graisse. C'est bruyant, ça sent mauvais, et c'est là que sont les pompes. Au-dessus, vous avez les quartiers où vit l'équipage. Il n'y a pas de fenêtres. Ils sont retranchés de la belle partie du bateau. Au-dessus, il y a les invités. Plus haut encore, il y a les propriétaires. Et tout à fait au-dessus, il y a le pont où les propriétaires et les invités peuvent se prélasser et être servis en boisson. C'est une ligne très difficile à franchir où vous êtes autorisé ou pas à passer. Tout est basé sur qui a de l'argent et quel est votre statut. C'est ainsi que le reste de notre société est organisée et structurée. De façon bizarre pour moi, j'ai quitté le yachting et j'ai commencé à travailler comme couvreur, ce qui est l'un des plus dangereux et des pires emplois que l'on peut avoir dans la construction. Je me sentais plus satisfait parce que je fournissais plus pour la société par ce travail que ce que je faisais en tant que capitaine. Même si ça me rapportait beaucoup moins d'argent et que je n'allais pas dans des endroits exotiques, je faisais un job que personne ne voulait faire. Mais je faisais un effort qui maintenait les gens à sec et les protégeait, une nécessité très fondamentale et importante de l'humanité. Et ça m'a fait réfléchir à la façon dont nous valorisons les banquiers, les avocats, les gens qui ne contribuent pas vraiment à des choses importantes de la société, mais qui font de l'argent, qui font encore plus d'argent. Et ça m'a fait regarder les plombiers, les électriciens, les enseignants et les gens qui font ces tâches importantes avec beaucoup plus de respect et de valeur. Et je savais que eux soient les héros de mes histoires, de renverser la façon dont on voit le monde et arrêter d'idolâtrer des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont un grand statut, mais plutôt de les voir en fonction de leur statut et de leur contribution à la société. Silo, c'est dans la trilogie l'histoire d'une contre-révolution, hein, d'une première révolution violente décidée par les puissants et puis d'un mouvement révolutionnaire qui va partir du bas et qui va inverser la tendance. Et c'est une révolution qui est dirigé par un personnage féminin. Ça aussi, c'était important pour vous, Hugo Wee? Oui, ça a toujours été important pour moi. Et mes premières séries, quatre premiers livres que j'ai écrits, avaient tous un personnage féminin très fort comme personnage principal. En partie parce que j'ai été élevé par une mère célibataire. Elle a travaillé à trois emplois pour élever trois enfants. Et c'était une femme très puissante. Elle a dû surmonter beaucoup d'adversités dans le monde. Elle l'a fait. Vraiment, j'ai eu toujours beaucoup de respect pour elle. Et pour ma sœur, qui était une si grande amie pour moi quand j'ai grandi, quelqu'un que j'admire tant. Elle non plus, elle n'a pas suivi un chemin de vie traditionnel. Elle a travaillé comme soudeur, Elle a travaillé sur la construction de décors. Vous savez, c'est quelqu'un qui travaille sur les décors de télé et de films. J'étais donc entouré par des femmes très fortes, très puissantes. Et j'ai vu la façon dont les femmes étaient traitées dans la culture dans laquelle j'ai grandi, dans le sud des États-Unis. Elles étaient les défavorisées, soumises à des gens qui avaient plus de pouvoir qu'elles. Et si vous écrivez une histoire de soulèvement menée par des gens qui doivent surmonter des grands défis, cette histoire a beaucoup plus de pouvoir, d'impact, si les personnages principaux viennent de régions encore plus défavorisées de la société et doivent travailler beaucoup plus fort. Donc, je ne pense pas que l'histoire de Silo serait aussi puissante si c'était un mécanicien homme qui devenait shérif. Il faut vraiment voir quelqu'un comme Juliette comme personnage principal, et pas simplement un seul personnage féminin fort, mais le maire et la femme des Halston, Allison, qui découvre toute cette histoire, et la femme qui dirige la société de distribution, Shirley. Il y a beaucoup de femmes superbes dans cette histoire, et c'est important de raconter que la moitié de la population, c'est des femmes, la moitié des personnages, la moitié des héros devraient être des femmes. Vous dites aussi que ce qui se joue dans cette trilogie Silo, c'est une grande controverse historique entre une vision rousseauiste de l'être humain, le bon sauvage, le fait que l'être humain soit naturellement bon, et puis finalement une version plus pessimiste, celle de Hobbes. Quel est votre regard sur cette controverse? Vous l'avez fait, c'est quelque chose que vous avez fait intentionnellement, ou c'est quelque chose que vous avez vu a posteriori, Hugo Wee? Non, c'était très intentionnel. Il y a même une introduction à un chapitre qui fait référence à Rousseau et Hobbes, juste pour faire un petit signe au lecteur très observateur que c'est pas par accident, cette comparaison. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé parce qu'il y avait ce genre de conflit entre la façon dont on voit l'humanité. Est-ce que nous sommes nés parfaits et nous sommes pervertis par la culture, ou est-ce que nous sommes nés avec des tendances terribles et c'est la civilisation qui fait évacuer ces tendances? Et comment vous considérez cette question change vraiment la perception morale de la politique et de la société. Pour les gens qui pensent être nés purs, ils pensent que la société et le gouvernement ne devraient pas se trouver sur leur chemin. Ce sont des anges, pense-t-il. Je trouve ça inexact. À mon sens, les effets du gouvernement et de la société est plus dans le côté hobbesien, où on a besoin de règles et de répercussions pour qu'on puisse agir comme il convient les uns envers les autres. Mais ce conflit va véritablement au cœur de l'histoire des révolutions et des renversements politiques, que ce soit en France, en Angleterre, en Russie, aux États-Unis, à travers le monde. C'est de cela que parlent ces soulèvements. Il n'y a aucune façon pour moi d'écrire une histoire de bouleversement et de révolution continue sans revenir à ce conflit entre la vision de Rousseau et de Hobbes de l'humanité. C'est important pour moi d'indiquer pas trop clairement quel est le bon côté. C'est au lecteur d'y réfléchir beaucoup. Donc, il y a Juliette qui vient d'un milieu très rousseauiste, un arrière-plan avec lequel moi je suis pas tout à fait d'accord, et j'en ai fait le personnage principal, ce qui était un défi amusant pour moi. Il y a Bernard, le méchant, qui est plus hobbesien, qui a besoin d'un gros Léviathan, qui a besoin d'un gouvernement fort pour tenir en respect les gens, et le conflit est entre ces deux personnages, ces deux visions du monde. Et au milieu, vous avez un gars que Juliette aime, qui travaille pour Bernard, qui est pris en tenaille, et lui, pour moi, représente l'idéal, quelqu'un qui pense qu'il y a un mélange entre le point de vue de Rousseau et de Hobbes, et il faut trouver cet équilibre. Et à travers lui, et à travers la Révolution, Juliette découvre que la façon dont elle voyait le monde quand elle était plus jeune n'était pas tout à fait correcte, et qu'elle doit changer un petit peu sa vision du monde. Et c'est un peu mon propre chemin dans la vie, c'est mon voyage pour arriver à me rendre compte de ces choses. Et je dois dire que ce voyage politique par Juliette, je le raconte par Juliette, et je pense que ça résonne avec beaucoup de gens qui ont probablement eu des pensées semblables, des processus semblables dans leur vie. I'm closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. I'm living in a silent film, portraying Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal, drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. I'm destiny. I'm torn between the light and dark, where others see their target, divine symmetry. Quicksand de David Bowie dans la méthode scientifique, parce que pour cette avant-dernière émission, on ne se refuse aucun plaisir. Quicksand parce que nous sommes en ligne avec Hugh Howey, qui a écrit l'un de ses derniers romans traduits en français, Sand, dont on va parler dans un instant. Hugh Howey qui est avec nous en ligne depuis son voilier sur les îles Fidji. Hugh Howey, une question plus générale, que ce soit pour cette trilogie Silo. On sait que vous écrivez nouvelle après nouvelle, tout est publié en ligne et puis c'est réuni ensuite en roman, mais c'est aussi vrai pour Phare 23 ou pour Outre-Sable. Comment est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous écrivez au fil de la plume? Est-ce que vous élaborez des plans très précis? Est-ce que vous avez des documents de travail? Quelles sont vos méthodes d'écriture? That's a great question. Bonne question. Il y a deux écoles d'écriture. Vous pouvez soit vous asseoir et laisser couler les mots, soit vous pouvez écrire des plans élaborés. J'aime pas écrire des plans parce que je suis pas quelqu'un de tellement organisé. Mais j'aime connaître mon histoire avant de l'écrire. Je passe beaucoup de temps à, parfois des années, à rêver d'un monde et de personnages avant de m'asseoir pour l'écrire. Et c'est pas la seule chose que je fais. Je suis souvent en train d'écrire un roman, je rêve à un autre monde en même temps. Et quand ça commence à prendre forme, quand je vois l'intrigue, quand je vois l'acte final, comment l'histoire va se terminer, et une fois que je sais comment se termine l'histoire, quand je sais vraiment de quoi il s'agit, quand je comprends parfaitement les personnages, c'est là que je peux m'asseoir et commencer à l'écrire. Ça ne veut pas dire que ça se passe toujours comme prévu. Parfois, pendant que vous écrivez, vous avez une inspiration qui change la direction du livre. Mais j'ai de la difficulté à écrire si je ne sais pas où l'histoire va se terminer. Et toutes ces histoires que vous avez mentionnées, Phare 23 et Outre-Sable et Silo, commencent toutes avec juste une idée du monde. et quelque chose que je veux explorer plus avant grâce à un travail de non-fiction que j'ai lu, que je veux explorer plus avant. Et pour moi, l'explorer par une fiction est plus amusant que l'écriture de non-fiction. Je pense qu'on peut parfois absorber et apprendre des choses nouvelles et plus fortes grâce à la fiction plutôt qu'à la non-fiction. Il y a quelques schémas que l'on discerne dans vos différents romans, quelques méthodes d'écriture ou de narration que j'aimerais vous faire commenter, notamment cette faculté que vous pouvez avoir de tuer certains de vos personnages sans prévenir, et cette faculté que vous avez aussi, nouvelle après nouvelle, de changer de point de vue et donc de créer une attente, une sorte d'appel d'air, puisque d'un seul coup il se passe quelque chose de terrible et paf, on passe à un autre point de vue, on passe à un autre moment de la narration. C'est quasiment vrai pour la trilogie Silo, puisque le deuxième tome nous fait revenir en arrière aux origines alors que on est en plein milieu de cette révolution qui conclut le premier tome. Tout ça, c'est très intentionnel, ces effets de retard, d'attente, de cliffhanger. Yeah, I think both of those. Oui. Je crois que ces deux modèles sont présents dans mon œuvre. C'est le genre de récit qui m'attire le plus en tant que lecteur. J'aime particulièrement quand le point de vue change et que dans les deux fois, vous mourrez d'envie de revenir à l'autre point de vue. Et dès que vous le faites, vous mourrez de revenir à l'autre, le premier. Il faut vraiment aimer les deux histoires parallèles. De la même manière, et c'était un défi amusant comme auteur. La première fois que j'ai lu « Guerre et paix », j'ai ressenti ça. Vous lisez ce qui se passe sur le front, vous lisez ce qui se passe à l'arrière, et quel que soit le fil que je lisais, j'avais hâte de revenir à l'autre fil. Et c'est ce qui vous fait lire tard le soir, qui vous fait vous précipiter sur un livre sans vouloir le poser. Et même chose avec les cliffhangers. Dès que vous construisez une tension et que vous laissez pendu quelques instants, vous voulez continuer à lire, vous voulez pas arrêter. C'est le genre de modèle de rythme qu'apprécient tant les lecteurs. Et c'est ce que j'ai adopté en tant qu'auteur. Je pense que beaucoup de votre style d'écriture, c'est comme de la musique. Ça tient à la cadence, aux hauts et aux bas que vous choisissez, dans lesquels vous vous sentez à l'aise en tant qu'écrivain. Ça vient des choses que vous aimez absorber en tant que lecteur. Je pense que quand vous voyez dans mon style, ce que vous voyez dans mon style, c'est le résultat de tous les grands romans et bandes dessinées, et films, émissions de télé que j'ai absorbées au cours des années. Vous avez décidé également, Hugo, d'ouvrir Silo à vos lecteurs, à votre fanbase, à de la fanfiction, c'est-à-dire à faire une sorte d'univers open source dans lequel que tout le monde peut développer. D'où vous est venue cette idée? Ça veut dire que vous n'y reviendrez vous-même jamais? Est-ce qu'il y a certaines de ces fictions que vous allez publier en nouvelles? Comment est-ce que vous envisagez cet univers étendu, qui est quelque chose de très à la mode dans la fiction contemporaine? Yeah, you know, I never thought. J'ai jamais pensé quand j'ai commencé à écrire que des gens liraient même mes livres et qu'ensuite des gens viendraient vers moi et me diraient qu'ils veulent écrire des histoires dans mon monde. C'est pas quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Et bien sûr, je leur donnais la permission. J'ai une vision très longue, historique, de la narration qui ne commence pas avec l'écriture. Elle commence avec la tradition orale. De raconter des histoires autour des feux de camp. C'est là où des narrations comme l'Iliade et l'Odyssée ont été créées. On n'essayait pas de posséder des histoires à l'époque, on y contribuait, on collaborait. Et elles étaient racontées en public devant des gens qui, après, racontaient eux-mêmes l'histoire et les faisaient leur. Et donc, il y avait partout ces empreintes de beaucoup de gens, beaucoup d'auteurs différents, dans beaucoup de grandes histoires, de grands récits. Je trouve étrange que certains écrivains aujourd'hui prennent une vision de propriété morale de leur histoire. C'est pas ainsi que la narration a été faite pendant de très nombreuses années. Si vous regardez certaines des grandes œuvres de l'histoire, la Bible, elle emprunte beaucoup à des histoires précédentes. Et le Nouveau Testament, c'est quatre les évangiles, ce sont quatre récits différents de la même histoire, ils sont tous différents. Il y a des détails différents, le ton est différent. Shakespeare, dans la plupart de ses pièces, elles sont basées sur des pièces historiques, sur des personnages historiques. La plupart du travail de Shakespeare, c'est surtout de la fan-fiction. Je ne trouve pas que ce soit étrange pour moi de prendre ça en compte. Ce que je trouve étrange, c'est que ma façon de collaborer avec les autres et de dire qu'une histoire est plus grande qu'un auteur, c'est toujours la façon dont ça a été fait, et que les gens trouvent ça inhabituel. Je pense que les autres ne voient pas l'histoire, la grande image de l'histoire de la narration. Un mot également à propos de votre autres œuvres, évidemment, Phare 23, qui est un récit assez sidérant qui se passe au fin fond de l'espace, avec une fois de plus, évidemment, cet univers nautique qui est le vôtre, mais aussi quelque chose de très fort, cette idée de relégation, de combat social d'un héros de guerre qui a été abandonné au fin fond de l'espace, et avec une scène, un chapitre incroyable sur la notion d'aliénation avec notamment un caillou qui parle. C'est là aussi une volonté politique de reparler de ce qu'est, de ce que la société crée comme relégation aux marges de la société, des gens dont elle ne sait plus quoi faire. Oui, il y a une partie de mes visions sur la façon dont on traite les anciens combattants dans ce livre. Mais pour moi, Phare 23 est probablement mon livre le moins politique, bien qu'il ait beaucoup à dire sur la guerre et la peur de l'autre. Pour moi, c'était un livre sur les relations et la recherche de liens avec d'autres personnes. J'ai écrit ce livre après avoir rompu la relation la plus longue de ma vie. J'étais avec cette femme pendant 13 ans, et après notre rupture, j'ai écrit Phare 23. J'ai pu passer du temps seul en mer, sur un bateau, seul en mer, et sur ce sentiment de ne pas avoir quelqu'un sur qui m'appuyer, après m'être appuyé sur quelqu'un pendant si longtemps, sur l'importance de ressentir la tristesse et de la prendre en compte au lieu de la fuir. J'avais aussi un peu de stress post-traumatique parce que j'étais à Ground Zero le 11 septembre et j'ai vu les avions frapper les bâtiments au-dessus de ma tête, voir les bâtiments s'effondrer et sauver des gens sur le bateau sur lequel je travaillais. J'ai donc tiré des choses de là pour ce roman. C'est vraiment une histoire de catharsis. J'écris ce roman sans avoir prévu d'écrire un roman à ce moment-là de ma vie. Je voulais faire une pause dans ma vie, mais j'avais quelque chose de très important à dire pour moi, pour moi-même, et à me dire. J'étais très surpris de voir à quel point ce livre a été populaire. Et récemment, parce que nous sommes en train de l'adapter pour une émission de télé aux États-Unis, j'ai dû relire le livre après de nombreuses années sans le lire. Et j'étais très ému par le fait de résonance que ça avait en moi, à quel point le contenu émotionnel de ce récit était profond. Pour moi, c'est un peu moins politique et plus personnel, et je suis probablement plus présent, ainsi que ma biographie dans ce livre, que dans tout autre de mes romans. Parlons aussi d'Outre-Sable, qui a été publié il y a peu de temps, toujours chez Actes Sud, un magnifique roman sur un navire lointain où les États-Unis ont été enfouis sous une couche de plusieurs centaines de mètres de sable, où certains plongeurs d'élite vont explorer les vestiges de la civilisation passée pour en remonter des artefacts et des matières premières. D'où vous vient cette idée d'Outre-Sable ? Est-ce que, aussi, quand on lit ce roman, on se dit que c'est peut-être le point de départ d'un nouvel univers étendu ? Oui, j'ai deux autres livres pour cette série, planifié pour cette série. J'ai arrêté sur un moment de grand suspense. Il y a beaucoup plus de ce monde à raconter. Et après avoir écrit Outre-Sable, je me suis lancé dans d'autres projets et j'ai commencé à monter ce grand voyage autour du monde. J'ai commencé le prochain de la série et c'est celui que mon agent et plusieurs de mes fans me mettent toujours la pression pour que je l'écrive. Je le ferai un jour, mais il peut s'écouler 10 ans entre l'écriture de la première partie d'Outre Sable et la deuxième partie. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose parce que je pense qu'il y a tellement de croissance personnelle à faire entre deux romans. Et quand vous voulez faire une suite et l'amener à un niveau différent, parfois on n'est pas prêt à cela. On n'a pas la sagesse ou les expériences nécessaires pour écrire cette suite. Et je ne ressens pas beaucoup de pression du temps. Ce qui est intéressant à propos de ces livres que nous écrivons, c'est que beaucoup d'entre eux vont être lus bien longtemps après notre mort ou des années après leur publication. Donc il y aura des gens qui vont prendre Outre Sable dans 20 ans et ils auront la suite à lire tout de suite et leur expérience à lire ces livres l'un après l'autre sera très différente de celle des gens qui vont les lire maintenant. Je suis d'accord avec ça. Je ne pense pas qu'il y ait une urgence à faire la suite. Il y a tellement de choses que je veux faire dans la vie. Il y a beaucoup d'histoires que je veux explorer. C'est évidemment difficile de pas avoir une pensée pour Frank Herbert et Dune d'Arrakis. Est-ce que c'est une référence que vous revendiquez ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que vous voulez plutôt éviter? Dune était un livre intéressant pour moi. Je l'aimais quand je l'ai lu dans ma jeunesse. Mais je l'ai jamais vraiment lu comme beaucoup de mes amis. J'ai pas lu les suites. J'ai pas suivi les différentes adaptations au film et à la télévision au fil des ans. Je pense qu'il est difficile de mettre une science-fiction dans un désert sans être comparé à Dune, car c'est une des premières à l'avoir fait. C'était pas le tout premier ou le seul à le faire, mais il est devenu si célèbre que si vous écrivez dans ce contexte, ça sera toujours comparé à ça. Pour moi, l'inspiration pour le sable est très physique et littérale. Mon père était au Colorado, et c'est l'endroit où Outre Sable se déroule. Et du côté ouest des montagnes, il y a ces dunes de sable massives qui se sont accumulées à travers les années, parce que le vent souffle sur la Californie et le désert du Nevada, et tout ce sable est pris dans le vent. Et quand le vent frappe la montagne, le sable retombe et le vent passe la montagne, et ces dunes sont formées et enterrent la terre sous elles. Et s'arrêter au pied de ces dunes en tant qu'adolescent, ça m'a fait penser à des hommes qui imaginent que leur monde entier se couvre comme ça et qu'il faut creuser le vieux monde par en dessous pour reconstruire au-dessus. Il y a quelque chose de beau dans cette métaphore parce que le sable est toujours en mouvement et coule. C'est comme l'océan, mais c'est plus lent, plus lourd. On peut imaginer que votre monde est écrasé lentement par ce mouvement de la terre. Les métaphores sont si riches. Le sable, dans la métaphore du sablier du temps, je suis tombé amoureux de ce concept. Mon inspiration n'est certainement pas due à Dune. Il y a beaucoup de comparaisons, bien sûr. Je ne vois pas les ressemblances, mais je pense que nous recherchons toujours des modèles pour pouvoir comparer une chose à d'autres. C'est assez naturel. Vous dites, Hugo Way, on arrive dans les dernières minutes de cet entretien, vous dites à propos de votre écriture que vous pensez que vous n'en êtes qu'au début, que votre littérature doit encore mûrir, que c'est un voyage dans lequel vous êtes encore embarqué. Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que vous voyez votre littérature évoluer? That's a great question. Une bonne question. That's a great question. C'est une bonne question. I haven't had any... Je n'ai eu aucun rêve, je n'ai pas rêvé qui était comme... À aucun moment de ma vie, j'ai pensé que j'aurais la carrière et le succès que j'ai eu. Mon rêve était d'écrire un roman, juste pour voir ce que ça faisait de le terminer. Et ça s'est passé il y a tellement longtemps, et que tout, depuis, a été comme une sorte de cadeau. Et j'ai fait ce rêve de faire le tour du monde en bateau, et il y a tellement de temps, J'ai fait tellement de voiles, et même si je n'avais fait que ça, ça aurait été incroyable. J'ai traversé la moitié du monde, plus que la moitié du monde. Je suis au Fidji, j'ai navigué pendant 4 ans sur les 3/4 du globe, j'ai traversé l'Atlantique et le Pacifique. C'est pas des petites choses. Maintenant, j'ai la liberté d'entreprendre des projets, de faire des choses pour l'expression artistique et de visiter des endroits hors des sentiers battus que j'aurais jamais pensé voir, parce que j'ai l'impression que la plupart des fantasmes de ma vie sont derrière moi. Je les ai faits. Et donc, j'ai du temps supplémentaire pour vivre, pour explorer. C'est donc un moment intéressant pour moi. Je me demande ce que je pourrais faire et ce que pourraient être mes nouveaux rêves dans ma vie. Et c'est un moment amusant pour réaliser qu'on a encore du temps pour poursuivre des voies nouvelles et excitantes auxquelles on n'avait même pas encore pensé. Du coup, vous travaillez sur quoi en ce moment? C'est quoi la suite? C'est la suite de d'Outre Sable ou est-ce qu'il y a d'autres projets d'écriture sur lesquels vous êtes en cours? Ben, un peu des deux. Je garde Outre Sable comme l'une des histoires sur lesquelles je travaille, même si je travaille sur d'autres choses, simplement en réfléchissant au personnage et à l'histoire, et en travaillant sur quelques nouvelles pour une série d'anthologies que je vais publier l'année prochaine avec Johnses et Adams. Il y aura une quinzaine d'écrivains différents qui contribueront avec des courts textes de fiction dystopique. Et les histoires que j'écris pour ce monde se posent une question, s'il est logique d'avoir quelque chose que tout le monde tient pour acquis, c'est l'héritage, la capacité de laisser à nos descendants notre richesse, et de quelle manière cela perpétue cet écart de revenus qui crée des tensions dans la société. Nous tenons pour acquis, oui, effectivement, il faut pouvoir laisser votre richesse à la génération suivante. Mais je me pose la question, quel serait le monde si on n'avait pas ce système? Et c'est le monde dans lequel je vis pour l'instant, avec mon écriture. Oui, j'ai toujours plusieurs fers au feu. Et j'apprécie vraiment la liberté de pouvoir écrire ce que je veux et de pas avoir un éditeur qui exige que j'écrive la même histoire encore et encore. Parce que j'ai des amis et même des auteurs favoris qui se retrouvent obligés d'écrire dans le même style ou de réécrire le même personnage. En fait, j'aime bien qu'ils puissent le faire et en avoir du plaisir, mais pour moi, ce serait terrible. Ça serait comme si l'écriture devenait pour moi un travail. Et ma dernière question, Hugo, et cette adaptation de Silo au cinéma, en série, elle va advenir un jour ou est-ce que c'est un rêve de fan? J'essaie de ne pas me faire d'illusions. Je suppose que ces adaptations ne seront jamais réalisées. Mais récemment, il y a eu des progrès avec la série Silo, avec AMC, une compagnie de télévision américaine qui a fait Les Morts Vivants, Breaking Bad. Oui, exactement. Ils pensent l'adapter pour la télé. Je viens de lire le dernier pilote et c'est incroyable. C'est écrit par Latoya Morgan et elle va diriger la série. Et tout le monde semble très enthousiaste. Et la façon dont ils en parlent, c'est que ça sera fait un jour, mais je garde mes espoirs à un niveau très bas. Et je dis aux fans et aux lecteurs de ne même pas y penser. Parce que j'ai des amis qui ont écrit de grands livres pendant des décennies et n'ont rien eu d'adapté. Et ils le méritent beaucoup plus que moi. Donc il n'y a aucune rime ni raison à cela. Hollywood, c'est un endroit tellement étrange. Ça peut arriver un jour, mais ce n'est pas nécessaire que ça arrive pour que j'aie une carrière réussie, une vie futile. Mais si c'est le cas, je le croirai quand ils commenceront vraiment à filmer, à le monter, à l'assembler. Et c'est là que je serai très enthousiaste. Mais même de voir que cette partie du processus, regarder quelqu'un écrire un scénario, ça a été tellement enthousiasmant. Je ne pensais pas à ça quand je rêvais d'écrire un roman. Que je pourrais même travailler avec quelqu'un pour écrire une adaptation. Alors je me sens vraiment très heureux et très chanceux. Merci beaucoup, Hugo. We thank you so much for having been with us this whole Howard, thank you very much. Merci encore à vous. Merci à Michel Zlotowski pour la traduction. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, à Vétienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lezen, Éléonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, Louis Bardine à la technique. Demain, dans le prochain et dernier épisode de la méthode scientifique pour cette saison, eh bien, comme chaque année, nous réunissons autour de la table les voix que vous avez entendues tout au long de l'année dans la méthode scientifique, des journalistes, des vulgarisateurs, des créateurs, des créatrices, des autrices et des auteurs. Et on vous concocte votre programme de lecture, de visionnage, de science-fiction et plus pour tout l'été de l'ASF plein les valises. On vous en met demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.